savoir. Actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Actualité des parutions de livres d'histoire ou de géographie historique. Actualité également des liens entre le passé et le présent. Pour commencer, Marie-Vie Kozouf-Marinier, spécialiste de géographie historique et en particulier de la création des départements pendant la Révolution française, viendra commenter la décision du Conseil départemental de l'Allier hier de redonner le nom de Bourbonnais aux habitants du département de l'Allier. Vincent Capdefuy sera là également avec nous pour évoquer non plus l'échelle extrêmement locale, mais une échelle beaucoup plus mondiale. Il est un des géohistoriens contemporains et il vient de publier chez Alma 50 histoires de mondialisation de Néandertal à Wikipédia. Amélie Meffre reviendra pour sa chronique Un saut dans la loi sur les règles du sauvetage en mer, à l'occasion évidemment de ce qui se passe autour de l'Aquarius. Et puis Catherine de Copé, dans sa fabrique de l'autre, s'interrogera sur le nom de Ouïghour. Et enfin, nous sommes vendredi, c'était à la une à la fin de cette émission, avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France, un texte qui date d'il y a presque 100 ans, à quelques jours près, un texte du 12 novembre 1918 sur la défaite de l'Allemagne. Bonjour à vous, Marie-Vie Kozouf-Marinier. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je l'ai dit, spécialiste en histoire et en géographie, pourrait-on dire, puisque vous avez travaillé également sur la géographie historique, la constitution du territoire français. Vous avez d'ailleurs succédé dans votre poste de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez succédé à Marcel Roncaiolo, dont on a appris la disparition, et qui était un très grand géographe, mais également féru d'histoire. Il avait réuni autour de lui des géographes et des historiens depuis le début des années 80, fin des années 70, pour réfléchir justement à ces constitutions territoriales sur lesquelles vous travaillez encore aujourd'hui, Marie-Vie Kozouf-Marinier. Oui, je ne peux qu'avoir beaucoup d'émotion pour évoquer la mémoire de Marcel Roncaiolo, qui en effet pensait que le contemporain ne peut pas être compris sans la profondeur historique. Et donc, il convoquait cette profondeur historique à tout moment. Il utilisait la métaphore géologique des strates pour dire que nos villes, nos territoires sont à chaque instant le résultat de l'affleurement de plusieurs strates d'histoire qui se combinent, qui sont souvent d'ailleurs en décalage, en discordance. Il parlait de discordance des temps à propos... Et non pas de concordance des temps comme... Et voilà, de la Genève, ouais. Exactement. Et voilà, c'est une pensée qui était sans cesse en mouvement et qui était originale dans cette alliance de l'histoire et la géographie, oui, pour l'époque. Nous l'avions évidemment reçu plusieurs fois autour de son sujet, pourrait-on dire. On peut dire que Marseille aujourd'hui perd un de ses grands géo-historiens, pourrait-on dire, à la fois géographe et historien. Il avait travaillé sur le vallon de l'Uvonne en particulier. C'était, je crois, son sujet de thèse ou un de ses grands sujets. Et il avait travaillé aussi sur les changements du territoire marseillais tout au long de sa vie. Il avait 93 ans, il vient de disparaître donc, mais aussi tout au long du XXe siècle, une capitale coloniale, une capitale industrielle qui se désindustrialise en même temps qu'elle n'est plus la capitale de l'arrivée de tous les colonisés, de tous les colonisateurs depuis l'Empire. C'est cela, Marie-Vie Kozouf-Marinier? Oui, tout à fait. Marcel Roncaiolo était un passionné de la ville de Marseille, qui était sa ville natale, mais il a toujours considéré que Marseille était plus un laboratoire d'expérimentation pour sa recherche, que ça n'était un objet particulier. Et ce que j'aimerais dire, à un moment où on le présente souvent comme effectivement le géographe de Marseille, c'était le géographe de toutes les villes. À partir de Marseille, il voulait tenir des propos qui permettaient la compréhension des villes de partout ailleurs. Oui, il créait des sortes de modèles. Et par exemple, exemple, sa vision des territoires avait infusé pour tout un tas d'autres territoires que le territoire marseillais, bien évidemment. C'était cela, sa particularité. Vincent Capdepuis, bonjour. Vous allez intervenir dans la deuxième partie de cette émission. Vous avez travaillé, vous aussi, sur cette œuvre de Marcel Roncaiolo? Un tout petit peu, parce que je pense effectivement au sous-titre d'un de ses ouvrages de Jericho à Mexico, de mémoire, et sur lequel j'ai travaillé en maîtrise et en DEA, puisque j'avais fait mes recherches archéologiques sur la naissance de la ville dans le monde grec antique. Et donc effectivement, il est allé jusqu'aux premières villes, il s'est pas du tout arrêté à Marseille. Il a une réflexion et une recherche sur la très très longue durée. Il était passionné par Fustel de Coulanges et La cité antique est un livre qui l'a inspiré toute sa vie. Alors, je vous avais invité, non pas pour parler essentiellement de Marcel Roncaiolo, à qui il faut encore rendre un hommage, et disons qu'il y a encore sur le site de France Culture et de la Fabrique de l'Histoire un grand entretien qu'il nous avait accordé maintenant, il y a 3 ou 4 ans, autour de la ville de Marseille, mais pour évoquer ce tweet paru hier dans la journée par le département de l'Allier, c'est officiel. Le gentilet bourbonnais a été adopté à l'unanimité par le conseil départemental. Habitants de l'Allier, nous sommes désormais tous fiers de s'appeler bourbonnais avec un hashtag fier allier bourbonnais. On voit là, dans une communication tout à fait moderne, un retour à une ancienne province, celle du Bourbonnais, que plus ou moins l'Allier recouvre en tant que département. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que plus de 200 ans après la Révolution française, dont vous êtes spécialiste, Marie-Vic Ozouk-Marinier, vous avez travaillé sur la création des départements pendant la Révolution française, qu'est-ce qui se passe pour que nos départements, aillent chercher plus loin dans le passé, au-delà de la Révolution française et dans l'Ancien Régime, des noms qui leur permettent de s'ancrer dans un passé plus lointain? Ce qui se passe, c'est que le département est un peu chahuté à l'heure actuelle parce que, comme à beaucoup de moments de l'histoire, on considère qu'il est devenu obsolète. Encore une fois, ça ne date pas d'hier. Hein. Dès la fin du 19e siècle, on considérait qu'il était déjà obsolète parce qu'il n'était plus adapté à l'état des communications. Parce qu'il faut dire que ces départements naissent de cette idée qu'il faut une unité territoriale qui soit à une journée de cheval chaque point du territoire départemental doit être à une journée de cheval et pas plus du chef-lieu. Et donc, évidemment, avec le 19e siècle, l'évolution des communications et des transports, eh bien, cette question simplement territoriale évolue. Évolue, voilà. Mais bon, vous savez tous qu'on a parlé à plusieurs reprises de la suppression possible des départements, parce que d'autres unités territoriales seraient plus pertinentes, comme les régions, par exemple. Et donc, c'est tout récemment, je pense que la mise en cause principale du département, c'est surtout la métropolisation. Les métropoles, on voit des cas qui deviennent des modèles de réflexion, comme le cas lyonnais, où donc la métropole lyonnaise a absorbé une partie du département du Rhône. Donc c'est surtout maintenant, je pense, ce phénomène urbain qui menace les départements, et des départements qui donc sont en quête d'identité, de montrer, donc ils ont encore une pertinence, et cette identité, eh bien, ils la cherchent dans des références historiques, parce que elles sont plus propres à la reconnaissance, au développement d'appartenance. Donc l'histoire avec le Bourbonnais est effectivement beaucoup plus propre à susciter cette identité que si l'on utilisait pour les gentilés, le terme de Vérin, comme il a été envisagé pour l'Allier. Ouais. Un Éla Vérin, on ne sait pas trop ce que c'est. Mmh. Tandis qu'un Bourbonnais, ça évoque... on ne sait pas trop d'ailleurs ce que ça évoque. Ben oui, les ducs de Bourbon, ou bien un paysage vallonné avec un bocage, ou bien les belles églises de certaines villes ou villages. Ou bien est-ce qu'il s'agit de se distinguer des Auvergnats? C'est possible aussi. Il y a toujours toujours eu une difficulté de l'allier à s'affirmer par rapport à ses voisins plus connus comme le Puy de Dôme on fait appel à l'histoire et ça n'est pas peu cocasse parce que il faut se souvenir que les départements ont précisément été façonnés pour briser les anciennes provinces. Oui, c'était très étrange, effectivement. On se dit, mais qu'est-ce que ce saut, pourrait-on dire, dans le temps, pour revenir à ces anciennes provinces, qui, pour certaines, sont encore en tête, la Picardie, par exemple, etc., mais qui, pour d'autres, doivent être reconvoquées, comme le Bourbonnais. Alors, peut-être les habitants du Bourbonnais, et il y en a sûrement qui nous écoutent, sont-ils convaincus qu'ils sont des Bourbonnais, d'une certaine façon, mais on peut se dire tout de même que pour l'ensemble du territoire national, l'Allier, c'était l'Allier, et on se souvenait assez peu qu'il y avait conjonction entre l'ancienne province du Bourbonnais, ou presque, et le département de l'Allier. Et aujourd'hui, on va donc réactiver ce vieux lien, pourrait-on dire, Marie-Vic Kozouf-Marinier. Oui, on réactive ce vieux lien, et ça marche effectivement assez bien avec un département qui coïncide à peu près avec l'ancienne province. Il y a des provinces qui sont très connues, beaucoup plus familières, mais qui ont été morcelées. Donc, elles ne peuvent pas facilement, reprendre la dénomination originelle. Les Bretons ont été partagés en 5 départements, les Normands, etc. Donc, on peut pas utiliser ces images qui sont très, très familières. Alors que, effectivement, dans certains cas, ça coïncide, la Dordogne avec le Périgord. Mm-hmm. Oui, parce que maintenant, on appelle ça voilà, Dordogne-Périgord en particulier. Peut-être que l'Aveyron voudra s'appeler Rouergue un de ces jours. Mm-hmm. Il y a quelques cas où ça marche assez bien de rappeler la coïncidence entre le territoire de l'ancienne province et le département. On voit par exemple que l'Alsace veut se réunifier, qu'il n'y aura plus peut-être de département du Haut et du Bas-Rhin, mais un département qui pourrait s'appeler Alsace, ou une communauté donc qui s'appellerait Alsace, pour ne pas être noyé dans l'ensemble de ce Grand Est, donc qui est cette nouvelle, ce nouveau découpage territorial lié aux régions. Donc il y a plus on élargit la maille, pourrait-on dire, plus des petites mailles se recréent à l'intérieur de cette grande maille territoriale. C'est cela, Marie-Vic Kozouf-Marinier? Oui, tout à fait. Et il y a des petites mailles aussi qui se réactivent. C'est celle des pays, par exemple, hein, qui sont ces petites unités de la vie locale et qui avaient, département. Voilà, qui avaient souvent des dénominations très familières dans les usages locaux des habitants, ils les connaissaient et ces petites unités revivent à travers les intercommunalités par exemple, hein, qui portent souvent le nom, un nom vernaculaire, un nom de pays. La Gâtine-Poitevine par exemple, puisque je suis originaire de ce coin-là. Exactement. Alors c'est souvent on a une très grande liberté avec l'histoire. Hein. On fait des composés de noms, effectivement, avec le Périgord de toutes les couleurs. Hein. On a le Périgord noir, blanc, etc. Mais cette liberté, veut dire de l'onomastique, est toujours le signe d'une quête d'identité. Mmh. Et vous pensez que ça peut continuer? Vous nous avez dit que ça pourrait continuer pour 2 ou 3 autres départements, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en marche pour pouvoir, dans ce contexte de globalisation, dans ce contexte de mondialisation, se redonner une identité locale forte, se tenir un peu au chaud, c'est cela, Marie-Vic Kozouf-Marinier? Oui, et ça ne passe pas seulement par les dénominations, ça passe aussi par tout un travail de façonnement des identités qui se lie bien, par exemple sur les sites internet, hein, où on essaye de trouver toute une série de marqueurs, hein, des identités. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein. Encore une fois, dès la création des départements, on s'est efforcé de faire une pédagogie du département et de l'inscrire dans les mœurs. Donc, on diffusait un certain nombre d'images, par exemple des très belles cartes qui maintenant s'achète chez les antiquaires, qui représentait à la fois la géographie du département, mais aussi les grands hommes, les productions principales, les beaux monuments. Et donc, on avait tout un ensemble de marqueurs territoriaux. Et donc, pour le département de l'Allier, comme le titre aujourd'hui, la montagne Montluçon, tous des Bourbonnais, on sera officiellement baptisé au Champagne, dit Deligne, le dessinateur de une, et l'autre lui répond non au Saint-Pourçain. Donc, effectivement, identité locale exaltée. Merci à vous, Marie-Vic Ozouf-Marinier, d'être venue nous raconter justement la profondeur de champ de cette actualité. Merci. Bonjour à vous, donc Vincent Capdepuis pour cette deuxième partie de notre émission. Je l'ai dit, nous allons passer de l'échelle locale à l'échelle mondiale avec vous. Vous êtes l'auteur de 50 histoires de mondialisation, de Néandertal à Wikipédia, un livre très original qui vient de paraître aux éditions Alma. Vous êtes géohistorien et vous enseignez à l'île de la Réunion. Vous me disiez que vous aussi, vous pourriez vous appeler Bourbonnais, puisque c'était l'île Bourbon auparavant, en l'occurrence. Exactement, jusqu'à la Révolution, jusqu'au moment où on a changé de nom et on s'appelait La Réunion. Et donc, il y a d'ailleurs, depuis votre perchoir, pourrait-on dire, de l'île de La Réunion, une vision particulière du monde et de l'histoire du monde, puisque je pense que ça n'est pas rien d'enseigner dans cette île de La Réunion, aujourd'hui en plein cœur de l'océan Indien. Et on ressent cela, en tout cas, en vous lisant, un intérêt particulier pour cet espace géographique qui est souvent négligé et qui... vu du territoire métropolitain, est un peu excentré. Et vous, vous le mettez plus ou moins, non pas au centre, mais ça fait partie des, disons, des centres que vous allez développer dans votre essai historique, donc 50 histoires de mondialisation. Oui, alors je ne suis pas sûr que ce soit tellement le fait d'y enseigner, parce que voilà, j'y enseigne la même chose qu'ailleurs, dans la mesure où il y a très peu d'adaptation des programmes nationaux à la situation locale. Et finalement, on a très très peu l'occasion, malheureusement, hein, je crois qu'il faut vraiment insister, d'enseigner aux petits réunionnais l'histoire de la Réunion ou même de l'espace environnant, hein, de oui, Maurice, de Madagascar. Vous voulez dire qu'on n'est pas tout à fait dans le cas de la France et les petites patries telles que c'était décrit à la fin du 19e siècle par le livre de Jean-François Chanet. C'est-à-dire qu'on en oublie souvent les petites patries au profit de la grande, c'est ça? Complètement. Ils ignorent la quasi-totalité de leur propre histoire. Donc c'est pas tellement dans ce cadre que j'ai pu développer ce regard. Et c'est vraiment dans... par mes recherches et par le fait d'y habiter, c'est sûr que littéralement j'ai pu faire un pas de côté, hein, ce qui est le mot d'ordre de l'histoire connectée, mm-hmm, ou de l'histoire globale. Donc là, le fait d'y habiter, de partir à 9000 km de Paris depuis plus de 10 ans, m'a sans doute aidé évidemment à regarder le monde différemment et à accorder plus d'importance à cet espace de l'océan Indien qui est mondialisé depuis très longtemps. Oui, et d'ailleurs on le sait pour avoir lu certains des auteurs que vous avez vous aussi lus, aussi bien d'ailleurs Sanjay Subramaniam que bien d'autres, ou Christian Grataloup, on sait combien cet espace géographique est central et qu'il a été longtemps considéré comme marginal. Et ce que vous faites, c'est remettre dans votre travail, justement, des espaces considérés comme marginaux, comme à la marge, au centre de vos préoccupations. Vous avez une construction de votre livre qui est très originale, une sorte de construction que vous avez fondée sur votre lecture d'Italo Calvino, mais aussi d'Antonio Tabucchi, où on fait une sorte de parcours personnel à l'intérieur des chapitres que vous nous proposez, 50 chapitres, selon que l'on veut voir l'expansion du monde, son rétrécissement, selon que l'on veut s'imaginer dans un parcours qui serait logique et chronologique, mais avec des préoccupations différentes à chaque fois. Oui, alors là, je vais attendre les retours de lecteurs, hein, parce que est-ce que les lecteurs vont suivre jeu, le jeu, hein, ou est-ce qu'ils vont le lire du début à la fin comme n'importe quel livre, hein, ça, je n'en sais rien. Je vais attendre un petit peu. Mais effectivement, l'idée, c'était de rompre avec ce que James Blott avait appelé l'histoire tunnel, hein, mais qui est le récit linéaire classique, hein, ce qu'on pourrait appeler le roman civilisationnel, hein, qui est en place depuis le début du 19e siècle, hein, de la civilisation européenne occidentale, hein, qui a ses racines dans l'Orient ancien, dans la Grèce, etc., jusqu'à la mondialisation du 19e siècle. Et l'idée, c'était de rompre avec tout ça, et de rompre vraiment dans l'écriture même, en proposant donc des courts chapitres. Des très courts chapitres, ça se lit, je pense, assez vite. Ouais. Et avec à la fin un système de renvoi qui permet d'aller soit en avant, soit en arrière sur cinq thèmes différents. L'outrepassement du monde, la représentation du monde, le tissage du monde, le rétrécissement du monde et l'ordonnancement du monde. Donc un travail qui vous permet d'être un peu démiurge aussi. Et on voit bien qu'il y a une sorte de plaisir aussi, comme le plaisir que pouvait avoir Calvino à nous jouer en tant que lecteur, nous faire jouer des rôles d'une certaine façon, à vous dire, vous, de votre côté, bien, on va essayer de réfléchir à ces questions. Donc la capacité des sociétés humaines à avoir toujours... au-delà, l'évolution des représentations du monde, ou encore comment les sociétés ont tissé progressivement des liens entre elles, etc., etc., à jouer justement de ces préoccupations qui sont épistémologiques, pourrait-on dire, mais à le faire de façon ludique. Oui, parce que je crois que, enfin, voilà, l'idée, c'est pas que on n'est pas l'acteur de cette histoire. Hein, l'histoire. Le livre dont vous êtes le héros. Oui, l'histoire a eu lieu, hein, clairement. Par contre, je crois que c'est redonner une importance première au lecteur dans la construction de sa réflexion et dans cette remise en question de ce récit, en se posant des questions sur ces problématiques. Et de se laisser aller au plaisir de la curiosité. Alors on part de Néandertal, de la préhistoire, et puis je l'ai fait personnellement, on réfléchit au rétrécissement du monde, c'est-à-dire on suit votre proposition, donc comment depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui on peut justement travailler sur cette maille qui se resserre, pourrait-on dire, d'un monde qui est infini au départ pour ceux qui l'habitent, et puis petit à petit qui se rétrécit. On passe à la réflexion sur la pirogue à balancier et le peuplement de Madagascar, à la question de la division du monde par Isidore de Séville en trois parties, ou encore à se poser la question de savoir si les cerfs, ce peuple qui est décrit dans des textes anciens, sont bien les Chinois, qui sont les marchands radanites, donc qui sont décrits là aussi par des voyageurs. Et on avance comme cela sur la poste mongole, sur Ibn Battuta, grand géographe arabe. Est-il un menteur? Est-il vraiment allé là où il dit qu'il est allé partout? Que font ceux qui se précipitent chez les empereurs moghols, et comment les signes occidentaux de partage du monde arrivent-ils à ces personnages-là? Qu'est-ce que la commercialisation des peaux au XVIIe siècle? Donc une sorte de jeu de détour, pourrait-on dire, de saut à gambade, donc comme montagne, entre des espaces qui sont séparés, mais avec une vision chronologique de leur reliement. Oui, l'idée aussi, c'était de revenir sur la critique qui est quand même faite assez régulièrement à l'histoire globale, de s'en tenir à un grand récit très simplificateur. Et là, c'était de proposer des petites histoires qui sont assez fouillé, enfin j'essaye de rentrer dans le détail, et dans le détail des sources également, et de montrer que on peut faire de l'histoire globale en étant proche d'archives, de textes ou d'autres traces historiques. Et en fait, bon, là il y en a 50, mais il pourrait y en avoir 50 autres, 100 et 1000. Et donc il y a une richesse de l'histoire globale qui est souvent méprisée, je trouve. Et donc c'est à cette critique que je voulais revenir aussi au départ, montrer que on peut faire un vrai travail d'historien, si j'ose en tant que géographe dire ça. Non, mais c'est tout à fait probant, et surtout je pense que votre livre, par sa construction même, mais aussi par les histoires que vous y racontez, français est tout à fait propre à nous faire comprendre que là où on nous dit il faut aimer l'histoire nationale parce que cette histoire nationale nous raconte des histoires, nous raconte des histoires héroïques ou des histoires exemplaires, eh bien il y a tout autant d'histoires exemplaires et d'histoires héroïques ou d'histoires de défaites que dans l'histoire nationale en suivant votre grille d'interprétation qui est la grille du glocal, donc global et local à la fois. D'une certaine façon, on s'attache à un moment d'une histoire du monde et on regarde exactement ce qui se passait. Par exemple, prenons cet exemple de la poste mongole. C'est passionnant, cette histoire de la poste mongole. Est-ce que ce sont les Mongols autour de Genghis Khan ou d'autres des souverains mongols de l'époque qui inventent ce système de poste? Est-ce qu'ils le reprennent des empires précédents? Tout cela, c'est une véritable question et ça fait absolument rêver quand on vous lit. Alors c'est une question qui est pas tranchée. Hein. Il y a un débat entre historiens sur l'invention ou non de la poste par ces Mongols au XIIIe siècle. Hein. Alors on sait qu'il y avait la poste romaine auparavant. Complètement. Il y a eu d'autres postes auparavant et la question c'est de savoir si la poste qui est mise en place par nécessité par l'Empire mongol parce que il est gigantesque. Il faut maîtriser la distance, hein. Donc la distance est la base de la géographie, donc il faut la maîtriser, et donc ils mettent en place un système donc de postes à relais avec des chevaux disposés à intervalles réguliers, et pour contrôler cet empire qui est un des plus vastes du monde, hein, au centre de l'Eurasie. Et la question, c'est est-ce qu'ils se sont inspirés de la poste chinoise ou non? Et puis, quel est l'impact sur les autres postes, la poste musulmane, la poste en Inde, et puis jusqu'à la poste en Europe, hein, donc jusqu'à la nôtre? Et cela, effectivement, c'est une histoire parmi 50 autres que vous racontez, 49 autres que vous racontez. Vous pouvez aussi nous dire combien cette question du commerce des peaux participe à ces mondialisations successives, et en particulier à cette mondialisation du XVIIe siècle. On reviendra peut-être d'ailleurs sur ce terme de mondialisation qui fait florès aujourd'hui, mais qui, d'une certaine façon, quand on l'applique sur la longue durée, ne veut plus tellement rien dire grand chose, parce qu'au bout du compte, ces mondialisations, elles ont existé à bien des époques, en l'occurrence. Mais revenons d'abord sur ce commerce des peaux. Il y a deux questions, là. Donc, toujours deux questions, avec moi. Sur le commerce des peaux, donc Timothy Brook l'avait bien montré aussi, hein, sur le castor, sur les chapeaux. Hein, donc Timothy Brook, l'auteur du chapeau de Vermeer, ouais, c'est ça? Exactement. Et aussi de la carte perdue de John Selden, qui est un des grands penseurs, pourrait-on dire, de cette histoire connecté et qui avait réfléchi à ce que l'on pouvait voir dans un tableau de Vermeer qui venait du monde entier dans cette ouverture donc qui procédait du 16e et 17e siècle de l'expansion européenne à travers le monde. Voilà, donc les peaux, hein, les pelleteries sont un des produits sans doute oubliés aujourd'hui de cette mondialisation parce qu'on est allé les chercher très loin, aux marges de ces territoires du Nord, hein, que ce soit dans les forêts du Canada ou dans les eaux de l'Alaska. Et donc on a des processus de mondialisation, enfin d'intégration de territoires qui se font d'un côté en Amérique du Nord et puis de l'autre en Sibérie, et finalement qui s'interconnectent. On a l'impression que vous êtes beaucoup amusé à lire vos collègues, parce que vous avez lu beaucoup d'historiens, de géographes, de géohistoriens qui eux-mêmes avaient travaillé pour beaucoup de premières mains sur des documents, et vous les avez rassemblés dans cet ensemble de 50 textes. Qu'est-ce que la ceinture de Puck? Ou de Puck, je ne sais pas comment on dit. Moi, je dirais de Puck, mais ouais. Puisque ça en anglais. Vous avez sûrement un meilleur anglais que le mien, donc. Je suis pas sûr, enfin bon, qu'importe. Donc c'est une formule, hein, donc anglaise, donc qui est cette image de mettre une ceinture autour du monde, et c'est finalement ce qui est réalisé à la fin du 19e et au tout début du 20e siècle avec la mise en place du réseau télégraphique, et notamment les câbles sous-marins, et notamment des deux derniers grands câbles qui sont les câbles transpacifiques, hein, donc un câble qui sont rivaux, hein, un câble britannique, hein, qui permet de relier tous les territoires de l'Empire britannique, la Red Line, et puis le câble états-unien, et là, qui va connecter les colonies des États-Unis, hein, avec cette expansion dans le Pacifique vers vers Hawaï et puis aussi vers les Philippines. On oublie souvent cette dimension coloniale et conquérante des États-Unis. Parce que les Américains, enfin les États-Unis ont participé à la faire oublier, puisqu'ils se sont présentés souvent comme des libérateurs des colonies, mais ils avaient eux aussi quelques-unes des colonies. La conquête de Cuba a pu faire partie de cela aussi. Oui, c'est 1898, enfin c'est la grande date de l'histoire américaine, avec la mainmise sur les possessions espagnoles. Et donc, à partir de ces histoires, vous nous racontez ces mondialisations à l'œuvre, ces mises en connexion de populations, ces voyageurs, et effectivement, cette question de la mondialisation dont on parle aujourd'hui, ça c'est la deuxième partie de la question précédente, donc cette mondialisation, elle est précédée par bien d'autres mondialisations. Quand on discute avec un néolithicien, quelqu'un qui travaille sur le néolithique, il vous dit, mais il y a une mondialisation néolithique. Si on discute avec quelqu'un qui travaille sur le paléolithique, on vous dit, il y a la sortie d'Afrique, par exemple, est une mondialisation pour les êtres humains, l'Homo sapiens. Et puis, on vous dit, il y a une mondialisation médiévale, une mondialisation du 15e siècle, une mondialisation du 17e. En fait, on a l'impression qu'effectivement, ce terme maintenant recouvre tout un tas de périodes et qu'il n'y aurait eu que des mondialisations. Donc le mot n'aurait aucun sens. c'est ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, je suis très étonné effectivement de voir qu'on recourt souvent à ce terme-là, peut-être parce qu'il est très contemporain, pour pouvoir expliquer les mises en connexion antérieures. Alors il n'est pas si contemporain que ça, enfin ça dépend à quelle échelle. Non, c'est 1904. Je croyais que c'était Reclus qui l'avait inventé. Non, pas du tout. Non, il utilise l'adjectif de mondial. C'est Coubertin qui l'utilise pour la première fois, 1904. Donc c'est à peu près la même période. Bon, de toute façon, c'est bien cette période des années 1870, 1910, où ce vocabulaire du mondial, mondialement, mondialisation se met en place. Même si après le terme met beaucoup de temps à être repris, à se développer et à trouver une définition. Et concrètement, c'est bien à partir des années 80-90 que la mondialisation devient à la mode et sous l'influence du concept anglais de globalisation, qui lui-même est en fait plus ancien puisqu'il date de 1944 quand même, donc de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est un mot qui n'a plus aucun sens? Alors, je suis pas d'accord. Non, je dis pas qu'il n'a plus aucun sens, mais simplement, chacun tire la mondialisation à son propre siècle ou à sa propre période parce que, effectivement, on avait, avec Susan Berger, la première mondialisation qui aurait été celle de la fin du 19e siècle. Mais on a eu ensuite le monde au 15e siècle qui a été pensé comme étant une mise en connexion du monde entier, Tamerlan, etc. À travers l'ouvrage dirigé par Patrick Boucheron, par exemple, le monde au 15e siècle. Mais puis on voit effectivement que la mondialisation néolithique en fait partie désormais, avec cette idée qu'on peut avoir des populations, des manières de faire, des manières de vivre, des savoir-vivre qui se déplacent et qui, donc, à partir de ce moment-là, sont en connexion. Alors non, justement, je crois qu'il faut bien différencier diffusion et connexion. Il peut y avoir diffusion de techniques, et on peut l'observer à tous les siècles, sans qu'il y ait forcément interconnexion. On peut avoir, c'est l'exemple des Austronésiens, qui peuplent, on ne sait pas trop quand d'ailleurs, la Madagascar, mais qui peuplent toutes les îles du Pacifique. Il y a diffusion de techniques, notamment la pirogue à balancier, mais il n'y a pas mondialisation au sens strict, dans la mesure où il n'y a pas interconnexion. C'est-à-dire qu'ils se... Ils se déplacent. Ils se déplacent. Ils s'installent. Ils s'installent. Mais ils perdent contact en fait avec leur base, enfin leur pays d'origine. Donc il n'y a pas constitution d'un monde en tant qu'espace interconnecté. Donc là, je crois qu'il faut être rigoureux sur les termes. C'est pareil, je crois qu'on ne peut pas parler de mondialisation à propos du paléolithique. Il y a diffusion de l'homme en tant qu'espace animal. Et il y a peuplement du monde entier. Et ça, c'est le préalable à toute la mondialisation, parce que c'est bien parce que les hommes sont partout sur la Terre qu'ensuite il peut y avoir processus de mondialisation et de réunification de cette humanité. Mais de là à parler de mondialisation, c'est peut-être un petit peu abusif. Après, on peut peut-être effectivement parler de mondialisation comme processus de constitution d'un monde. Et ça, c'est bon, il y a tout un travail à faire que j'ai juste entamé, mais alors c'est pas dans l'ouvrage, c'est dans la suite, dans ce que je suis en train de faire. Et il y a toute une réflexion à faire sur la notion de monde qui est très employée dans l'historiographie depuis deux siècles. On parle tous de monde romain, de monde musulman, de monde chinois, etc. Et puis avec au 19e siècle des visions raciales, le monde noir, le monde jaune, bon, etc. Étonnamment, il n'y a aucun travail épistémologique ou historiographique sur la définition de monde. Et donc là, il y a quelque chose à faire sur Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce qu'un monde? Et en fait, quand on recherche, c'est quelque chose qui a une histoire. On n'a pas toujours parlé de monde au pluriel. C'est quelque chose qui se construit à partir du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle, mais sans recevoir de définition stricte. Par contre, je crois qu'il faut absolument différencier les mondialisations antérieures, donc, et la dernière mondialisation, qui est la mondialisation globale, la globalisation, parce que il y a quand même une distinction à faire entre la mondialisation qu'on connaît et les mondialisations précédentes par le fait que c'est un espace qui est l'espace global, qui est un espace sphérique, à la fois infini dans le sens qu'on peut en faire le tour sans fin, et en même temps qui est clairement fini. On peut pas, il y a pas d'au-delà, il y a pas d'horizon au-delà de l'espace global, sinon extraterrestre, mais là, on n'y est pas tout à fait encore. Merci Vincent Capdepuis. Je rappelle que votre livre s'appelle 50 histoires de mondialisation, de Néandertal à Wikipédia, et que vous avez un grand talent pour trouver des titres comme Sur le dos d'un poisson, Leçon de géographie à Jamestown, Une maladie affreuse à Bourbon, et ça d'ailleurs nous introduira au thème de la semaine prochaine puisque nous traiterons de l'histoire des épidémies et qu'il s'agit là en l'occurrence du choléra qui arrive sur l'île de l'île Bourbon. Donc devenu la Réunion, donc effectivement. Et tout cela, c'est un récit à souhait et en gambade, comme on l'a dit, mais extrêmement agréable à lire et très joueur, pourrait-on dire. Merci donc pour ce livre, 50 histoires de mondialisation de Néandertal à Wikipédia chez Alma. Merci. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Bah dites donc, c'est votre voix? Mais oui. Bonjour Amélie Meff. Bonjour. Vous êtes pour votre chronique avec nous, pour votre chronique Un saut dans la Loire. Je le rappelle, vous essayez de donner une antériorité à des questions qui nous taraudent aujourd'hui, en particulier le 6 octobre, des milliers de personnes se sont rassemblées. C'était il y a peu de temps, donc dans plusieurs villes de France, en soutien à l'Aquarius et à sa mission de sauvetage des migrants en Méditerranée. Et c'était l'occasion de nous rappeler la grande ordonnance de la marine de 1681, oui, qui dessine les prémices du sauvetage en mer, Amélie. Enjoignons à nos sujets de faire tout devoir pour secourir les personnes qu'ils verront dans le danger du naufrage. Voilà l'article phare du chapitre consacré au naufrage de la grande ordonnance de la marine de 1681. Alors bon, ce texte fleuve, si j'ose dire, et ses centaines d'articles ne se limitent pas à encadrer les secours en mer. Il pose les grandes bases d'une marine française. En 1669, Louis XIV fait de Colbert le premier secrétaire d'État à la marine. L'éminence grise du royaume, qui s'occupe à peu près de tout, entend renforcer la puissance commerciale et donc militaire du pays, et pour ce faire veut régenter la navigation. Colbert présente au roi dès 1664 son grand projet pour parvenir à une suprématie navale. Alors il faut dire qu'au XVIIe siècle, tous les pays européens se dotent d'une marine de guerre spécialisée, ce qui signifie que l'État doit disposer d'arsenaux, de ports militaires en eau profonde et d'un système de recrutement des équipages. Le plan Colbert comprend la construction d'une flotte de guerre pouvant rivaliser avec celle de la Hollande ou de l'Angleterre, la reconstitution de la marine marchande avec la création de compagnies de commerce comme celle des Indes orientales et le contrôle des gens de mer. De grandes enquêtes sont lancées pour connaître précisément le potentiel portuaire du royaume, l'organiser au mieux et en prendre le contrôle. Bref, sous Louis XIV, c'est la grande mise en ordre du royaume, y compris sur la mer. Alors revenons à nos naufragés, puisque c'est le point de départ de notre discussion. Oui, eh bien si on s'en inquiète, c'est qu'il faut d'une manière générale sécuriser la navigation et combattre les pillages. Ainsi, le chapitre consacré aux naufrages brillés et échouements comprend 45 articles qui règlent précisément les procédures, les compétences et les sanctions, les navires et les équipages étant désormais placés sous la protection du roi. Mmh. Bon, mais on se préoccupe davantage des marchandises et des cargaisons que des hommes, même si un article y fait référence. Comme me le rappelait l'historien Jacques Perret, l'obligation du secours est morale, il faut aider son prochain, mais des sanctions ne sont pas prévues en cas de non-assistance. Par contre, on prévoit tout de même la peine de mort pour ceux qui auraient intenté à la vie et au bien des naufragés. De même, on ne lésine pas sur les peines quand le naufrage aura été provoqué. Mmh. Le dernier article du chapitre stipule ainsi que, je cite, Ceux qui allument la nuit des feux trompeurs pour y attirer et faire perdre les navires seront aussi punis de mort et leur corps attaché à un mât planté au lieu où ils auront fait les feux. Ça rigole pas. Hein, Ça dissuade. Enfin bref, les dangers maritimes deviennent un enjeu stratégique majeur. La surveillance du littoral se muscle. Chaque matin, les gardes-côtes doivent patrouiller. En cas de naufrage, des procédures strictes sont prévues. Les seigneurs et les habitants doivent avertir les officiers de l'amirauté qui se chargent d'organiser les secours. En attendant leur arrivée, ils doivent sauver les effets et empêcher le pillage. L'ordonnance de la marine de 1681 prévoit aussi, pour calmer les ardeurs, la délivrance du tiers des effets sauvés en haute mer aux sauveteurs. Alors, comme l'a montré l'historien Sylvain Coindet, les habitants de l'île de Saint, par exemple, décrits tout au long du XVIIe siècle comme d'invétérés pilleurs, eh bien, vont devenir, aux yeux des institutions et des voyageurs, de véritables sauveteurs en mer, grâce notamment à cette disposition. Absolument. Mais bon, comme le rappelle Jacques Perret, la mise en place de toutes ces règles va prendre du temps. Son étude, par exemple, du naufrage du Samuel en 1697 à Méché, au bord de la Gironde, soit 16 ans après l'ordonnance de la marine, ben, montre l'inachèvement du système mis en place par Colbert. Ça ne marche pas tout à fait. Enfin, encore, ce naufrage suivi d'un pillage souligne la lenteur de l'intervention des officiers de l'amirauté, qui prendra plus d'une semaine, quand les autorités locales ne se sont pas pressées pour les avertir. À noter aussi qu'à Méché, les gardes-côtes chargés dans chaque paroisse de surveiller le littoral et d'organiser des opérations de sauvement n'ont jamais été mises en place. Alors quoi qu'il en soit, cette ordonnance de la marine de 1681 jette quand même les bases du sauvetage en mer. Voilà, mais en fait ce sauvetage en mer, il ne sera réellement établi et réglementé qu'au milieu du 19e siècle, avec la création de grandes stations de sauvetage sur le littoral et la création en 1865 de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, reconnue d'utilité publique. Et qu'il est encore, et d'ailleurs on peut encourager nos auditeurs à leur faire quelques dons à ces sociétés de sauveteurs en mer qui ont parfois beaucoup de mal à vivre ou à survivre. Et ça fait partie effectivement d'un service public, en particulier auprès de ces naufragés. On peut lire donc de Jacques Perret, qui était mon professeur à l'université de Poitiers. Ah. Vous m'avez flatté là. Naufrage et pilleur d'épaves sur les côtes charentaises au XVIIe et XVIIIe siècle, qui est paru chez Geste Édition en 2004, d'Alain Carmontous. Évidemment, les côtes barbares, pilleurs d'épaves et sociétés littorales en France, chez Fayard en 1993, et apparaître à la fin de l'année les actes d'un colloque sur l'histoire du sauvetage maritime aux excellentes éditions Les Indes Savantes. Merci beaucoup Amélie et au mois prochain. Libellis, conservateur, homme politique, insoumis, La fabrique de l'autre. La fabrique de l'autre avec vous, Catherine de Copé, bonjour. Vous vous intéressez ce mois-ci dans votre fabrique de l'autre au mot Ouïghour, du nom de cette population musulmane sunnite de l'ouest de la Chine et qui fait l'objet d'une intense répression par les autorités chinoises. Il y a quelques semaines, la communauté internationale dénonçait par la voix de l'ONU l'internement de milliers de Ouïghours dans des camps dits de rééducation, une situation qu'a timidement reconnu le pouvoir chinois, c'était la semaine dernière, en évoquant des camps de formation professionnelle, entre guillemets, destinée à favoriser la recherche d'emploi, Catherine. Pékin cherche en fait à donner une base légale à cette campagne de détention initiée depuis le printemps 2017 et d'une ampleur terrifiante. Selon les ONG, seraient emprisonnés dans ces camps près de 10% de la population musulmane du Xinjiang, cette province à l'extrême nord-ouest du pays, qu'on appelle aussi Turkestan oriental. L'idée est de contraindre ces musulmans à délaisser leur religion, leur culture, parfois leur langue, et ce, au profit du mandarin et de la culture des Han, la population majoritaire et dominante en Chine, qui compte 55 minorités officielles. Les Ouïghours sont les premiers touchés par cette politique de contrôle et de répression, car ils représentent la plus grande minorité musulmane de cette région d'Asie centrale, qui est frontalière de 8 pays et grande comme 3 fois la France. Une région qui est liée à l'histoire des Ouïghours par son nom même, puisqu'officiellement, depuis 1955, elle s'appelle Province Autonome Ouïghour du Xinjiang. Les Ouïghours seraient les descendants d'anciens nomades installés dans la région depuis plusieurs centaines d'années aux côtés d'autres populations. Et c'est au milieu du Xe siècle que le territoire devient musulman avec la conversion du prince de l'époque. Mais c'est surtout à la fin du XIVe et du début du XVe siècle que l'islam s'y développe. Et comme le rappelle Elisabeth Hallès, aucun pouvoir unifié n'a pu se constituer dans cette région avant l'expansion des empires russes et chinois au XVIIIe siècle. Elle a été traversée de nombreux courants religieux et constituait en fait une mosaïque de centres intellectuels et marchands. Et ainsi, les Ouïghours, qui ont en commun une culture et une langue de la même famille que le turc, ne sont pas les seuls musulmans de la région. On trouve aussi les Dungans, qu'on appelle aussi les Hui, des musulmans de langue chinoise. Alors l'histoire de la population du Xinjiang à partir du XVIIIe siècle devient celle d'une région tourmentée qui se trouve entre deux frontières, la frontière de l'Est vers la Russie et la frontière de l'Ouest vers la Chine intérieure. Oui, c'est entre autres l'éventualité d'une alliance de la population avec les Russes qui a poussé l'Empire chinois à conquérir la région entre 1755 et 1759. L'Empire du Milieu est alors aux mains de la dynastie Qing, une dynastie de culture manchoue et non Han comme la dynastie précédente. Mais cette dynastie, au XVIIIe siècle, s'est beaucoup sinisée. La conquête du Nord-Ouest par les Qing se solde par un massacre, et non des Ouïghours, mais des Dzungars, une population mongole dont le pouvoir allait du Tibet à la Mongolie. Et à partir de là, le pouvoir chinois installe des colonies civiles et militaires dans la région, qu'elle baptise Xinjiang, qui veut dire littéralement « nouvelle frontière ». Selon l'historienne britannique Pamela Kyle Crossley, les Qing, qui en tant que pouvoir impérial étaient capables de transcender les particularismes culturels dans leur rhétorique, ont eu beaucoup plus de mal à le faire pour l'islam. À partir de 1762, ils autorisent ainsi une discrimination entre non-musulmans et musulmans et catégorisent ces derniers comme imperméables aux normes morales et spirituelles de l'Empire, une politique qui vise en particulier les Ouïghours. Le 19e siècle est marqué par un mouvement de révolte populaire mené par les Dungans, ces musulmans sinophones donc, et réprimés par le pouvoir chinois. En 1884, Pékin décide alors de donner à la région le statut de province. L'idée est d'en faire une composante inaliénable du territoire chinois. L'immigration des Han est encouragée et favorisée notamment par le développement de l'administration. Et le XXe siècle, avec la fin de l'Empire, sera une des grandes périodes de chaos pour la région, justement, Catherine. La province du Xinjiang aspire alors à une indépendance, ce qui se traduit par deux tentatives de sécession, en 1933 puis en 1944, sous la forme à chaque fois d'une république islamique du Turkestan oriental. Ces tentatives d'indépendance émergent sur fond d'une lutte d'influence sans merci entre Chine et l'URSS dans la région. Elle-même, en plein bouleversement politique, la Chine signe un traité d'alliance avec l'URSS en 1945 qui pousse la République du Turkestan, alors en place, à renoncer à la sécession, moyennant une réelle autonomie. Mais l'arrivée au pouvoir des communistes en Chine en 1949 aura pour conséquence, dès le milieu des années 50, de nouvelles mises au pas de la région administrative, culturelle, qui visent principalement justement ces mêmes Ouïghours. Oui, depuis 1949, les Ouïghours sont passés de 80% à 47% de la population de la région sous la pression des Han installés par le pouvoir central. Ce que certains chercheurs ont qualifié de colonialisme intérieur, qui passe aussi par la relégation socio-économique des populations non-Han, a donné lieu à différentes formes de résistance depuis les années 50, qui ont toutes été durement réprimées. Des critiques ont pu émerger dans les années 80 au sein même du Parti communiste chinois pour dénoncer l'inégalité de traitement entre les Han et les autres minorités du pays, mais la politique de répression et de sinisation forcée s'est poursuivie au Xinjiang. À partir de la fin des années 80, les attentats à la bombe se sont multipliés contre les symboles de l'État chinois, alors que parallèlement, un mouvement pour l'autodétermination par la paix se constituait. Depuis 2004, c'est surtout à l'international que ce dernier existe, animé par la diaspora ouïghour, sous la forme du Congrès mondial ouïghour. Et si aujourd'hui le principal mouvement islamo-nationaliste ouïghour est considéré comme proche d'Al-Qaïda, il n'en reste pas moins minoritaire et peu influent sur place. Mais la lutte contre le terrorisme est brandie par Pékin depuis une dizaine d'années pour mener sa politique de répression en Chine, mais aussi contre la communauté ouïghour en exil. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette communauté ouïghour. Catherine Decopé, on se retrouve le mois prochain et d'ici là, on pourra lire votre chronique et aller sur la page de la Fabrique de l'Autre sur le site de France Culture. Il est l'heure de retrouver notre dernière rubrique du vendredi. Comme d'habitude, c'était à la une, donc avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France, un article du 12 novembre 2018 dans La Croix, lu par Hélène Dosseur. Nous sommes à quelques jours de la commémoration du 100e anniversaire de la fin de la guerre et nous voulions nous le rappeler aujourd'hui. Quomodo occidit Lucifer. Comment est-il tombé, le Lucifer allemand? Avant la guerre, il faisait grande figure dans le monde, chef d'un vaste empire, peuplé et prospère, aspirant à la domination universelle, vers laquelle il semblait marcher à grands pas. Tour à tour, il promulguait la paix universelle sous son égide, ou menacer le monde de sa poudre sèche et de son épée fraîchement aiguisée. Comment est-il tombé de si haut, si bas? C'est la guerre, sans doute. Son peuple ne lui pardonne pas la terrible saignée de millions d'hommes qu'il lui a infligée, les souffrances qu'il lui a fait endurer, les illusions dont il l'entretenait dans de retentissantes proclamations, alors qu'au sein d'une victoire apparente, il se savait déjà perdu. Les malédictions dont l'univers entier charge l'Allemagne abattue. Mais il y a plus encore. Il y eut une autre monarchie qui connut, sinon de pareilles hontes, du moins d'aussi grandes humiliations. Lorsque, fils incertain et successeur contesté d'un roi fou, Charles VII avait perdu la moitié de son royaume et n'était plus salué par l'ennemi triomphant que du titre de « roi de Bourges », il semblait que l'antique race capétienne dut sombrer sous les coups de l'épreuve. Et cependant, tandis que les parlements et les universités, les princes du sang et les grands vassaux acclamaient à Paris le vainqueur, le peuple priait pour le gentil dauphin, demandait à Dieu de rendre aux fleurs de lys leur splendeur immaculée. Et à Don Rémy, une humble bergère s'entretenait avec les saints et les anges du ciel de ce pauvre prince, qu'elle allait conduire à Reims dans les splendeurs du sacre. L'âme populaire, malgré tout, restait en union intime avec la dynastie nationale. Voilà le miracle patriotique qui s'accorda merveilleusement dans Jeanne d'Arc avec le miracle divin. Dans leur détresse présente, les Hohenzollern n'ont rien vu de pareil. C'était l'épée qui avait établi leur puissance et non leur vie se confondant au cours de nombreux siècles avec la vie de la nation tout entière. N'invoquaient-ils pas eux-mêmes comme source de leur puissance le droit du poing? En réalité, en Prusse d'abord, en Allemagne ensuite, ils n'avaient créé qu'une monarchie césarienne. Or, la raison d'être de ces monarchies, c'est la victoire par la force matérielle et leur maintien dépend du maintien de leur force. Qu'elles s'affaissent, qu'elles disparaissent, et elles-mêmes s'affaiblissent et disparaissent sans espoir de retour. C'est la confirmation éloquente de la parole du Maître « Quiconque se servira de l'épée périra par l'épée ». Et voilà comment est tombé le Lucifer germanique. « Et nunc reges, erudimini, et maintenant roi, méditez cette terrible leçon », s'écriait du haut de la chaire Bossuet, racontant à Louis XIV et à sa cour la chute tragique de Charles Ier d'Angleterre, décapité devant Whitehall. Que les rois de notre temps, les peuples vainqueurs, méditent aussi la grande leçon qui se déroule sous leurs yeux. Ils ont la force, qu'ils aient la ferme résolution de n'en user que pour faire régner dans le monde non la violence, mais le droit, et qu'ils n'oublient pas dans les règlements à venir que l'injustice appelle l'injustice, et que la vraie paix, comme le proclament nos livres saints, est celle qui a embrassé la justice. Un article tiré de La Croix du 12 novembre 1918 à propos de la défaite de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Nous y reviendrons bien évidemment au moment de la commémoration de novembre 1918. D'ici là, nous vous parlerons la semaine prochaine d'une histoire des épidémies ou de la place des épidémies dans l'histoire. Et l'histoire continue bien évidemment sur France Culture tout le week-end et en particulier avec Concordance des temps. Demain, Jean-Noël Jeannet parlera de géographie et d'histoire avec Anne-Marie Thiès, nationalisme d'Europe. Loin en arrière. Cette émission était préparée par Aurélie Marseille et Céline Leclerc. Alice Seyed était avec nous à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation. À lundi.